Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Sesi ararganer gtsutsunem yevtuk bidiesek inche anun. Sesi ararganer gtsutsunem yevtuk bidiesek inche anun. La clé. Asiga panali e. Asiga panali e. Le verre. Asiga kavate. Asiga kavate. La montre. Asiga jamatsuitse. Asiga jamatsuitse. Les lunettes. Asiga agnotse. Asiga agnotse. Le téléphone. Asiga heratsaine. Asiga heratsaine. Le peigne. Asiga sandre. Asiga sandre. Les ciseaux. Asiga megrade. Asiga megrade. Le rasoir. Asiga adzelie. Asiga adzelie. L'enveloppe. Asiga baharane. Asiga baharane. Le crayon. Asiga madide. Asiga madide.